les rassemblements des militaires et civils pour féliciter la promotion du maréchal Kim Jong-un au poste de président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée ont eu lieu dans les provinces du Fang et du Nord, du Hamgyong du Nord, du Yangon et la ville de Nampon, ainsi que d'autres villes et arrondissements. Y ont pris part les cadres des organismes du parti et du pouvoir, des organisations des travailleurs, des usines, des entreprises, des fermes et des universités, les militaires de l'armée populaire de Corée et des forces populaires de l'intérieur de Corée, et les travailleurs, les jeunes étudiants. Les orateurs ont dit que la promotion du maréchal Kim Jong-un à la magistrature suprême de notre République, dans le soutien et la confiance absolue du peuple, est un grand événement révolutionnaire ayant une portée historique pour achever jusqu'au bout la cause révolutionnaire Chuché, inaugurée au Mont Pektu. Ils ont invité tous à avancer vigoureusement dans l'édification d'un État puissant et socialiste pour manifester brillamment la dignité et le prestige de la grande puissance Pektosan, avec la grande fierté d'avoir élu le maréchal Kim Jong-un, grand homme sans égal, à la magistrature suprême de notre République.